Le département d'artillerie de l'état-major général de l'armée populaire de Corée a lancé le 11 juillet un avertissement important aux États-Unis et aux fantoches sud-coréens qui ont fini par décider de disposer en Corée du Sud le système de défense antimissile de haute altitude SAD, malgré la protestation de notre pays et de divers pays du monde. En voici le résumé. À présent, pour neutraliser les conséquences qui seront causées par la disposition du système en question en Corée du Sud, les ennemis expliquent que le groupe de travail sud-coréen-américain a vérifié son efficacité militaire à travers les études durant des mois et pris des mesures nécessaires pour l'environnement, la santé et la sécurité. Et pour éviter la réaction des pays voisins de la péninsule coréenne, ils laissent entendre absurdement que le système en question n'est pas destiné à la disposition avancée à longue distance de détection, mais à l'étape finale à courte distance de détection. C'est-à-dire, ils prétendent que c'est un moyen de défense qui vise seulement à faire face à la menace nucléaire et des missiles de notre armée. Rappelons que personne ne prête l'attention à la menace de notre part dont parlent les fanats de guerre et de confrontation. La disposition du SAD est le corollaire de l'ambition américaine pour la suprématie militaire en Asie-Pacifique et l'hégémonie dans le monde et des menées de confrontation des fantoches qui cherchent à envahir le Nord épaulés par leurs suzerains. Le système SAD inachevé dont l'efficacité militaire n'est pas encore vérifiée suffisamment causera la perte humaine par les ondes radioélectriques à haute puissance. Mais Pakune et son entourage ont fini par décider, selon la contrainte de leur suzerain, d'acheter ce système en payant de grosses sommes d'argent basées sur les impôts, et cela montre qu'ils sont les traîtres jamais connus dans l'histoire. Défendre la direction suprême, destin de tous les militaires et civils, la patrie et le peuple, est la première mission de nos forces armées révolutionnaires. À partir du moment où seront déterminées la position et l'endroit du SAD, moyen d'agression des États-Unis pour l'hégémonie mondiale, sera mise en œuvre notre mesure de riposte réelle pour l'étouffer. La disposition du SAD ne fera qu'appeler nos frappes impitoyables et accélérer la ruine misérable des fantoches sud-coréens instigés par les États-Unis. À l'avenir aussi, nos forces armées révolutionnaires renforceront leurs capacités à l'avant-poste pour la défense de la paix et de la sécurité de la péninsule coréenne, du nord-est asiatique et du monde. Notre puissante armée révolutionnaire Paektusan ne pardonnera jamais les menées d'agression des États-Unis et de leurs laquais et prendra successivement les mesures militaires décisives.